j'oublie. Quand c'est fini, j'oublie. As-tu compris, ma petite perdrix? Je te parie que t'as compris que c'est fini. Nini, fini. Je ris. Quand c'est fini, je ris. J'oublie. Quand c'est fini, j'oublie. As-tu compris, ma petite perdrix? Je te parie que t'as compris que c'est fini.